changera, mais n'attends pas que je le fasse pour toi. Ça changera, ça changera, mais dans la coude, ça sera toujours ça. Même si tu n'as pas l'ombre d'une chance d'effacer l'indifférence de tous ces bourgeois qui ne te voient pas, il y a sûrement autre chose à faire que de foutre la merde dans les concerts que je donne pour toi. Tu crois pas? Waouh! Ça changera! Ça changera, mais n'attends pas que je le fasse pour toi. Ça changera! Ça changera, mais dans la Kunma, ça sera toujours ça! Dis-toi qu'on tire la même galère, toi et moi. Même combat, t'es la cinquième roue du système. T'es pas d'accord, ça tourne quand même. C'est comme ça, c'est comme ça. Waouh, ça changera, ça changera. Mais n'attends pas que je le fasse pour toi. Ça changera, ça changera. Mais donne un coup de main, ça sera toujours ça. Toujours aussi entre deux chaises, t'énerve pas, t'énerve pas. La solution à ton problème, t'as qu'à t'en choisir une troisième. Tu as le choix, tu crois pas. Mais ça changera, ça changera. Mais n'attends pas que je le fasse sans toi. Ça changera, ça changera. Mais donne un coup de main, ça sera toujours ça.